mal de ventre va me tuer. Tu me diras, je devrais déjà être habitué. Au bar, les gens se bousculent dans leurs costumes. Parfois, je le mets aussi, je me dis, comment oses-tu? On veut la grosse thune, c'est clair. N'oublions pas le but et la manière. Laisse le sang couler sous le toit. Moi aussi, je bois, je m'en bats les boulets. Je m'engouffre plus, je suis au fond. Franchement, il fait chaud, y'a du son. Je kiffe, l'endroit est cool. Comme ça, seul, loin de tout. Et on m'a volé mon échelle. Je voulais remonter mais on m'a volé mon échelle. Je me demande qui m'a volé mon échelle. Merde, qui m'a volé mon échelle. J'aimerais remonter mais on m'a volé mon échelle. On m'a volé mon échelle. Putain. On m'a volé mon échelle. Je suis dans la merde, dans un grand trou, le nez dans la terre. Et ce mal de ventre va me tuer. Tu me diras, je devrais déjà être habitué. Au bar, les gens se bousculent dans leurs costumes. Parfois je le mets, je me dis comment oses-tu. Je m'engouffre, je suis au fond. Franchement, il fait chaud, y'a du son. Je kiffe, l'endroit est cool. Comme ça seul, loin de tout. Moi je voulais remonter, mais on m'a volé mon échelle. Merde, on m'a volé mon échelle. Quand t'es dans le trou, tu réalises. Quand t'es dans le trou, tu réalises. Quand t'es dans le trou, tu réalises que c'est trop tard. Quand t'es dans le trou, tu réalises. Quand t'es dans le trou, tu réalises. Quand t'es dans le trou, tu réalises que. Que. Quand t'es dans le trou, tu réalises. Qu'en fait en haut, c'était pas mal. Qu'en fait en haut, c'était pas mal. Mais là, c'est trop tard. Au fond du trou, tu réalises. Qu'en fait en haut, c'était pas mal. T'auras beau taper ta crise, c'est trop tard. Au fond du trou, tu réalises. Que c'est trop tard. Tu banalises, tu analyses, tu canalises, tu smokes du cannabis au fond du trou. Per piacere fammi capire. Per quale motivo stare là dentro a mamma a marcire? Non vuoi uscire? Prova a tirare fuori la testa. Vedrai che festa che ti faccio e non mangio. Panzerotti al sugo e formaggio. Panzer rotte in culo a noleggio. Tanto prima o poi le schiaffeggio. Oh, sono come la motosega di non aprire quella porta. Faccio fuori tutti, meno te che non esci, meno te che sprofondi.